Mosaïque. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'endroit d'où vous nous captez. Bienvenue dans l'émission Mosaïque. 30 ans viennent de s'écouler après les massacres de Nega et Marangara, respectivement dans les provinces de Kirundo et Ngozi. C'était en août 1988, un an après le coup d'état du major Pierre Buyoya, un événement qui a encore mis en évidence le clivage Hutu-Tutsi. Beaucoup de récits et de littérature, tantôt différentes interprétations, tantôt le rejet réciproque de responsabilité dans ces massacres qui ont endeuillé tant de familles, autant celles des Hutu que de Tutsi. Qu'est-ce qui s'est passé à Nega et Marangara? On s'interroge dans Mosaïque d'aujourd'hui. Quelle était l'ampleur de ces massacres et ses implications au regard de la situation politique de l'époque? Que devraient garder les Burundais de cet événement tragique? Pour en débattre dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous avons dans notre studio quatre invités. Nous accueillons Terence Mouchano, représentant de l'ASC Génocide Chilimoso, une organisation qui lutte contre les crimes de génocide. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour, je remercie Radio Isanganiro et le public qui nous écoute. Nous accueillons dans ce studio de la Radio Isanganiro honorable Pierre-Célestin Ndikumana, président du groupe parlementaire de la coalition Amizero Yabarundi. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour, merci de l'invitation. Guérin Nahimana est natif de la commune Marangara, une commune sinistrée par les événements. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour. Nous accueillons également Aloïse Batungwanayo, historien et chercheur. Bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour. Merci beaucoup de l'invitation et bonjour. À la réalisation de cette émission, Francine Ndokugayo, la contribution technique est assurée par François Akimana. À vous tous, à l'écoute de la radio Isanganiro, nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue. Mosaïque. Sans tarder, Guérin Nahimana, 1988, vous l'avez parlé tantôt, vous aviez 16 ans. Qu'est-ce qui s'est passé en tant que... Oui, j'avais 16 ans, effectivement. Un jeune qui vivait à Marangara. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que tous les Burundais ont pu savoir, c'est ce qu'on a tous pu observer. Mais comme natif, comme habitant de Marangara, et pas même à Marangara, c'est sur la colline de Rubaya, c'est un peu loin, c'est à peu près à plus de 10 km du centre-ville, du chef-lieu de la commune. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont entretués, je dirais ainsi. Les gens se sont entretués, on parle de massacre, on parle de crise de Nega et Marangara. Pourquoi on parle de massacre? Les gens se sont massacrés. Là, c'est vraiment, le terme, je me dis, c'est adéquat. Les Hutus, les Tutsis, qui vivaient sur la même colline, qui avaient partagé tout ce qu'ils avaient comme nourriture, comme boisson, comme problème ou comme bonheur. Malheureusement, se sont entretués, voilà. Il y a eu des rumeurs comme quoi il y avait une attaque probable qui viendrait de l'extérieur, peut-être de l'étranger même. Mais malheureusement... On parlait du Rwanda. Peut-être, oui, on parlait du Rwanda. Peut-être c'est la commune frontalière du Rwanda, avec Akanyaru, c'est tout proche. Et malheureusement, je me dis que personne n'est venu de l'extérieur, ce sont les cohabitants d'une même colline qui se sont tués. Et les Hutus, les Tutsis, tous ont subi et ont connu des conséquences malheureuses. Mais si on parle d'une attaque qui viendrait du Rwanda, par exemple, qui était derrière cette attaque présumée? Attaque présumée. Parlons de ce qui s'est passé. Ce sont les Burundais qui se sont tués. Et peut-être que l'un ou l'autre de nos invités ou de vos invités vont en dire quelque chose. Nega Marangara, dans cette crise, vous avez perdu vos proches? Oui, perdu mon père, trois grands-pères et toute une liste de parenté. Honorable Pierre-Célestin Ndikumana, dans les écrits, dans les récits, on a évoqué le mouvement à l'époque rebelle ou qui s'opposait au pouvoir de l'époque, le Parlipehutu FNL. Après, c'est devenu FNL et aujourd'hui, vous faites partie de la coalition Amizero y'Abarundi. Lorsque on parle de mouvement Paripé Hutu par rapport aux événements de Ngarangara? Quelle est l'implication de ce mouvement? Bon, il n'y a pas d'implication, sauf qu'il y a des gens qui aiment les raccourcis, qui, surtout le pouvoir de Buyoya, qui après ces incidents, ne parlons même pas d'incidents, plutôt après ces massacres, ont mené campagne pour dire qu'il s'agissait d'une attaque venue de l'extérieur, qu'il s'agissait d'une attaque de Paripé Hutu, etc., etc. Donc là, c'était des raccourcis pour justement échapper à la responsabilité. Et je remercie très sincèrement Guérin qui dit qu'il n'y a pas eu d'attaque, déjà se sont entretués, il n'y a pas eu d'attaque de l'extérieur. Mais il y a eu des rumeurs d'attaque qui viennent de l'extérieur. Évidemment, les pouvoirs comme les criminels, des fois avant de se lancer à l'acte, ils commencent par des rumeurs, justement pour voir quel est le climat, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc c'est vraiment regrettable que les gens échappent à leurs responsabilités. Mais de prime abord, je dois vous dire une chose. Et disons même, je dois condamner un principe qui est malheureusement consacré par certains faux politiciens, disons même des criminels, comme quoi tout pouvoir tue. Tout pouvoir tue. Il y en a qui le disent et il y en a qui sont fiers de ça et que c'est comme si c'était un problème. Moi, je me dis à un certain moment que le pouvoir de Buyoya aussi aurait tombé dans ce genre de principe, dans ce genre de considération criminelle, dans ce genre de croyances criminelles. Parce qu'évidemment, moi, je dois vous dire que les massacres de Nhega et Marangara, c'est pas si on peut parler de massacre ou de génocide ou quoi, peut-être que la sévère pourra qualifier ça. Je dis que ce sont des massacres, justement, utilisons maintenant le terme massacre à grande échelle. Ce sont des massacres à grande échelle qui ont été planifiés et exécutés par le gouvernement d'alors. Ça, je peux l'affirmer. Si pas ça, alors ils ont été complices parce qu'ils n'ont rien fait pour arrêter. Je pars de ces deux principes. Pourquoi? Parce que, permettez-moi de vous brosser juste en quelques secondes les événements qui ont précédé ces massacres. Nous sommes d'abord le 23 juillet 1988. Le président Buyoya qui se rend dans des cérémonies de clôture, la cérémonie de fin d'études des sous-officiers à Bururi, qui alerte l'armée, qui dit, bon voilà, faites attention, il doit y avoir nous avons des informations sur qu'il y aura une attaque de Ouagadougou avec un groupe de Burundais, un petit groupe à l'extérieur, mais aussi des Burundais à l'intérieur. Il a alerté l'armée, il a dit, bon, il faut faire attention. Il ne parlait pas du Paripé Hutu. Il ne parlait pas du Paripé Hutu du tout. Mmh. Mais après, il a parlé du Paripé Hutu après le fait. C'est vraiment triste. Et il a dit, préparez-vous à cette guerre et nous allons la gagner comme nous avons gagné d'autres guerres. Mais là, on se demande de quelle guerre faisait-il allusion, parce que il n'y avait eu que des massacres en 1965 à Kamenge et à Usangana. Il n'y avait eu que des massacres de 1972. Donc il n'y avait vraiment pas eu une guerre que l'armée avait vaincue. Mais lui, il parlait des guerres qu'ils avaient vaincues. Quelle guerre? Donc là, c'est vraiment quelque chose de flou. Alors, deux semaines après, c'est-à-dire le 5 août 1988, il a redéployé les troupes dans deux communes, dont la commune Vumbi et la commune Marangara, dont ils étaient là, soi-disant, en train de faire des grandes manœuvres militaires. Mais ce qui est curieux, ce qui est étonnant, et ce qui est déconcertant même, les mêmes militaires, la nuit, ils se promenaient dans les ménages pour arrêter les gens. En fait, ils créaient le désordre la nuit. Et on se demande quel type de manœuvre ils faisaient. Et le 6, c'était samedi le 6 août. La veille, la nuit, ils avaient déjà arrêté 17 personnes. 17 personnes. Et ça, c'est un fait. On n'a même pas besoin de lire ça dans de grands livres, etc., d'histoire. Il y a des gens qui sont encore en vie. Il n'y a que 30 ans. Ils peuvent témoigner ça. Alors, ils avaient arrêté 17 personnes. Et le samedi le 6 août 1988, ils voulaient les transférer à Ngozi. Mais la population a tenté une résistance, leur demandant où ils voulaient amener ces 17 personnes. Et la réponse à ces militaires, c'était de tirer sur deux citoyens burundais parmi les gens qui réclamaient, qui disaient, bon, c'est pareil comme en 1972, vous veniez, vous preniez les gens et puis ils ne revenaient pas. Où est-ce que vous amenez les 17? Alors la réponse a été de tuer deux personnes parmi ceux qui réclamaient. Et c'était au niveau de Gikomero de Nyunzwe. Mercredi le 10 août, Quelques familles Tutsi ont quitté la commune de Marangara, la zone Marangara surtout, et ils ont été évacués par les camions militaires. Ça, c'est aussi un fait. La nuit du 13 au 14 août 1988, il y a un véhicule qui quitta Kirundo pour se rendre à Nhega. Et à bord de ce véhicule, il y avait quelqu'un qui criait à l'aide d'un microphone, qui disait, bon, c'était en Kirundi, Yandayavu, tu sais, on peut se traduire ça. La femme enceinte a mis au monde, où l'enfant est né, bon. Et on se demande quel était l'enfant qui était né. Et en même temps, il tirait des balles en l'air. Et là, évidemment, comme je vous l'ai dit, que la responsabilité tombe sur le gouvernement d'alors, rien n'a été fait. Un véhicule ne peut pas sillonner de Kirundo à Nhega. Un véhicule à bord de quelqu'un, à bord duquel il y a quelqu'un qui tire des balles en l'air, ne peut pas passer inaperçu par les services de renseignement. Encore moins par les services de sécurité. Et je dois vous dire qu'il y a eu un breakout du 6 au 15 août, personne ne pouvait sortir de Marangara, encore moins entrer à Marangara. Et dimanche, mais le 14... C'est vrai que vous relatez plusieurs oui, dates. Oui, évidemment. Peut-être que vous... Évidemment, c'est pour qu'on ait une lecture. Vous ne pourrez pas oublier par rapport à cette crise, mais pourquoi le Parpe Hutu est cité par rapport à ces événements? Le Parpe Hutu est cité à tort, parce que après le 14, quand un certain Harushingabo avait tiré à bout portant en plein jour à quelqu'un, c'est là que ça a été comme un élément déclenché parce que la population n'a pas supporté ça, s'est révoltée contre ça et on a même détruit sa maison. Et le 15, il y a des troupes qui sont venues de Gitega qui ont attaqué la commune de Marangara. Alors, mais c'est pourquoi il y avait des actes par rapport aux enseignements du Parpe Hutu et que... Oui, je vais y arriver. La question que tu poses, je vous ai dit qu'il y a des gens qui aiment vraiment des raccourcis, qui aiment se faciliter pour justement créer des échappatoires, pour échapper à leurs responsabilités. Après, il y a eu des massacres en grande échelle qui étaient perpétrés par les militaires contre les civils innocents. Et même des avions militaires sont intervenus. Alors, ce n'est qu'après que le Parpe Hutu a alors été pointé du doigt. On a pointé du doigt au Parpe Hutu. C'est le pouvoir de Pierre Buyoya, du président Buyoya, le pouvoir du parti unique du PRONA, qui, après les massacres, ont crié haut et fort qu'il s'agissait d'une attaque qui venait du Rwanda. Mais ce qui est curieux, la communauté internationale, qui avait même été alertée par Gahutu-Rémy, qui était déjà en Europe, et qui a crié alerte, la communauté internationale avait demandé qu'il y ait des enquêtes sur ces massacres. Le gouvernement burundais avait refusé. Donc, et en refusant ça, vous comprenez quand même qu'ils échappaient à quelque chose, qu'ils voulaient cacher quelque chose. Mais en échange, ils n'ont donné que leur rapport en disant c'est le mouvement Parpe Hutu qui a attaqué à partir du Rwanda. C'est là que on parle du Parpe Hutu et rien que ça. Mais je dois vous le dire, je dois vous l'avouer, je dois le dire à tout le monde qui nous écoute. Aucune attaque ne venait de l'extérieur. Plutôt, il y a eu des massacres dans ces deux communes. Je passe la parole à Rwanda Terrence. N'était même pas favorable au Parpe Hutu. Je passe la parole à Terrence Mouchane. Au niveau de la génocide de Chirimoso, qu'est-ce que vous retenez des événements de Nhega na Marangara? Merci. Au niveau de AC génocide de Chirimoso, les informations recueillies et fouillées ont démontré que les massacres des Tutsi de Nhega et Marangara sont issus de l'idéologie ethniste, de l'enseignement de division ethnique. Dans cette période, le Parpe Hutu distribuait des tracts à caractère divisionniste. Et son enseignement sous-entendait la tuerie des Tutsi sous forme de libération. Mais cette libération, ces massacres à caractère génocidaire ont fait la suite de l'impunité du crime de génocide de 1965-1972 parce que, et comme il le dit, les d'autres le disent aussi, le gouvernement du Burundi a à maintes reprises fait fi de la justice. Il fallait rendre justice aux victimes. Avant d'arriver à ce niveau, si on admet à travers les différents écrits que les Tutsis ont tué les Hutus et que les Hutus ont tué les Tutsis, pourquoi tout vous mettez sur le dos du Parpe Hutu? Ce qui est correct, c'est que et les Tutsis et les Hutus, tous sont morts, tous ont été tués. Mais dans la dans la chronologie des faits, qui a été l'agresseur, qui a été agressé, on peut tuer dès le départ, à la première date, l'enseignement. Et d'autres ont fait aussi le réflexe de survie. Seulement, les militaires, comme l'on a dit, ont intervenu pour secourir les survivants. À Negamarangara, peut-être que les tueries ont été démesurées. C'est ce qu'ils disent, les Hutus sont morts, les Tutsis sont morts, mais l'enseignement à caractère génocidaire, c'est la suite de l'enseignement idéologique de la division. Donc, pour eux, c'était parce que au Burundi, la culture d'impunité a débuté depuis des années avant 1988, mais ils disent, comme d'autres n'ont pas été sanctionnés, si on tue aujourd'hui, on ne le sera pas non plus. Il évoque notamment la responsabilité du pouvoir de l'époque en essayant de blanchir son mouvement à l'époque Palipe Hutu. À quel niveau situez-vous la responsabilité du gouvernement de l'époque? Le gouvernement d'alors peut être qualifié de n'avoir pas fait un traitement adéquat du dossier. Le gouvernement a un service de renseignement. Il était informé de ce qui allait se passer. C'est le gouvernement de Buyoya venait d'arriver au pouvoir il y avait une année après Bagaza. Et le climat était aussi tendu avant la fin avant que Bagaza ne parte. Et Buyoya, je ne sais pas, on n'a pas encore causé à ce sujet. Probablement qu'il se disait que c'est comme il vient comme salitaire et que tout le monde ne pourra pas, tout le monde doit respecter et que si jamais il prend le risque de tuer ou d'arrêter, ou s'il le laisse, ils ne vont pas oser, parce que les militaires sont là, mais avec l'enseignement, quand il disait les militaires, et que les militaires quittent Negamarangara, et que ces civils restent seuls, alors que l'enseignement était au point, à un échelon supérieur, c'était pour distraire le pouvoir, distraire l'armée. Sinon, s'ils quittent absolument, comme l'enseignement était déjà au point extrême, il devrait tuer les Tutsis. Vous voulez aborder juste dans il y a quelques instants l'aspect de la justice. Quand le crime n'est pas puni, le crime de sang n'est pas sanctionné. Les gens qui croient que pour arriver au pouvoir ils doivent tuer, ils vont passer par même circuit. Et la justice alors? La justice dans le domaine de crimes de génocide, de crimes contre l'impunité, crimes de guerre, cette justice doit être internationale. Parce que ces crimes ne sont pas domestiques. Ce sont des crimes du droit international. Les Nations Unies doivent siéger dans le tribunal international. Et d'ailleurs, lors de la signature des accords d'Arusha, des négociations, ils avaient accepté que les mécanismes de justice soient mise en place et que la commission vérité-réconciliation va intégrer la communauté internationale, les Nations Unies. Mais le gouvernement d'aujourd'hui n'a pas accepté que l'ONU figure dans la commission vérité-réconciliation. Ce qui est dramatique, la justice est mise en quarantaine. On ne voit pas la justice qui est rendue aux victimes et rendue aux rescapés. Ok. Aloïse Watungwanayi, vous avez mené plusieurs recherches par rapport à cette crise des recherches qui sont en cours. D'ailleurs, en tant que chercheur, nous avons deux parties qui ne comprennent pas ou n'appréhendent pas les faits de la même façon. Qu'est-ce que, jusqu'à aujourd'hui, vous avez obtenu comme chercheur? Bon, c'est vraiment difficile de bien savoir pourquoi il y a eu des massacres à Nega et Marangara, ou tout simplement pour dire pourquoi il y a eu des massacres dans le nord du pays. Parce que c'est vrai que les massacres à grande échelle se sont passés dans les deux communes, mais des personnes ont été tués dans d'autres communes comme Vumbi, comme Kirundo également, il y a à Kiremba aussi, même ici à Bujumbura, certains ressortissants de ces communes ont été persécutés. D'ailleurs, je vous informe que aujourd'hui, le patron d'Amizire Barundi a fui au même moment parce qu'il était recherché. Donc pour moi, jusqu'à aujourd'hui, les recherches me montrent que s'il y a eu des massacres à Nhega et Marangara, des massacres à grande échelle, c'est parce qu'il y a une mémoire blessée. Il y a une mémoire blessée qui est une conséquence des massacres de 1972, à un certain aspect des massacres également de 1965. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on disait par ailleurs que les enseignements du Paris-Péroutou disaient qu'il ne fallait pas que l'histoire de 1972 se répète encore une fois. Je ne pense pas qu'on avait seulement besoin de, du côté de la communauté des Barutu, on n'avait pas seulement besoin des enseignements du Paris-Péroutou, mais il y a des Barutu qui avaient perdu les leurs en 1972. Qui avait cette blessure. Et il y avait justement cette blessure qui était toujours béante, surtout parce que dans les rites burundaises, on dit que quelqu'un qui perd le sien doit observer le deuil, faire une levée de deuil, et la communauté doit venir l'aider. Ce qui n'a pas été le cas dans ces deux communes, tout comme dans la plupart des provinces du Burundi. Donc, il y avait cette mémoire blessée, ce traumatisme qui était là, mais le traumatisme, la mémoire blessée, qui était alimentée beaucoup plus par certains faits. Mais le problème, c'est que tout Burundais aujourd'hui peut se demander, mais qu'est-ce qui a fait que une crise comme ça, ça frappe deux communes, seulement deux communes du pays? C'est ce que j'allais dire, une mémoire blessée, une mémoire d'ailleurs nationale, avec la une crise identitaire que vivent la plupart des Burundais, c'est-à-dire que à Nega et Marangara, ou au nord du Burundi, il y avait un climat délétère depuis, je dirais, 87, au moment où le major Pierre Buyoya venait de prendre le pouvoir, surtout de la part des Bahutu, ils avaient une lueur d'espoir que le problème d'exclusion, le problème de manque de justice dont parlait Mouchano allait prendre fin et que peut-être ce nouveau régime va résoudre le problème qu'ils avaient du côté de la communauté des Bahutu, ce qui n'a pas été le cas. Il y avait également la géopolitique à l'époque. N'oublions pas qu'il y avait 2 ans que Museveni en Ouganda venait de prendre le pouvoir, aidé par les réfugiés Batutsi Banyarwanda. Et au Burundi également, nous avions des réfugiés Batutsi Banyarwanda qui également voulaient retourner dans leur pays. C'est normal parce que à l'époque, Bagaza, le président rwandais Habyarimana Juvenal avait dit que le Rwanda se suffit, les Rwandais qui sont là, on n'a pas besoin d'autres Rwandais. Et qu'inversement, il y avait des Hutus qui vivaient au Rwanda. Il y avait des Hutus qui vivaient au Rwanda, bien entendu. Et ça, c'est l'autre aspect. Mais également, il y avait un autre aspect où c'est au nord du Burundi, comme dans d'autres provinces. Bon, pas toutes les provinces, mais dans ces communes, l'administration était, je dirais, étrangère. Burundaise, bien entendu, mais des administrateurs, des agronomes ou même d'autres personnes, certains qui étaient des Rwandais, qui travaillaient au niveau communal comme secrétaire. Donc, une frustration d'abord que les gens ne sont pas gouvernés par les ressortissants de leur commune. Et à un certain moment, on sait très bien que quelqu'un qui ne provient pas d'une commune, oui, il peut mener une très bonne gouvernance, mais d'autre part, il peut mener une mauvaise gouvernance. Ça, c'est un autre aspect. Et l'autre aspect, il faut pas l'oublier, c'est que à cette époque-là, il y avait également, le Paris-Péroutou également. Faut pas le cacher. Le Paris-Péroutou était né les années 80. Et le Paris-Péroutou également qui enseignait aux gens suite à ce climat que désormais, faut pas se laisser prendre comme là, je parle du côté des Bahutu. Faut pas se laisser prendre et se laisser massacrer comme ce fut le cas en 72. Et cela, il y avait des gens qui le disaient et ça ne faisait qu'alimenter un climat malsain entre les communauté de Bahutu et la communauté de Batutsi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les massacres ont eu lieu? Il y a eu une administration, il y a eu un gouvernement qui a démissionné à sa mission de protéger le pays, à sa mission de protéger la population. Parce que la mission régalienne du gouvernement, c'est de protéger sa population. Or, la population a crié pendant des mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, a crié, a donné rapport à l'administration. L'administration est venue. Pardon, elle souffrait de quoi? La population a crié, elle souffrait de quoi? De ce climat malsain, de cette division, provoquée justement par la mémoire blessée dont j'ai parlé depuis le début. Il y avait une mémoire blessée. Autant chez les Hutus que chez les Tutsis. Bien entendu. Vous aurez la parole, Guérin. L'administration locale, l'administration au niveau central même, c'est moi qui utilise le terme, qui a démissionné parce que ils ont eu beaucoup de rapports qui avaient un climat malsain, qui avaient des groupuscules pendant la nuit, qui avaient des préparations des massacres de part et d'autre des Hutus, des Tutsis, faisaient des rondes nocturnes, faisaient des réunions pendant la nuit, et l'administration était au courant, mais je dirais n'a rien fait, non, c'est trop dire. La jeunesse du pouvoir ici du coup d'État de 1987 ne peut pas être une excuse. Est-ce qu'on peut dire que c'était la jeunesse alors que Buyoya était dans les rênes du pouvoir depuis longtemps? Il était militaire depuis longtemps. Bon, le ministre de la Défense de l'époque était également pas dans le gouvernement, mais dans la hiérarchie militaire. Au moment des massacres, proprement dit, le président était en mission. Il était en mission. Est-ce que lorsque le président est en mission, il n'y a pas un intérim? Il est allé en mission, mais, comme je l'ai dit, le climat délétère avait prévalu avant sa mission au Congo-Brazzaville. Donc, c'est-à-dire que la situation était bien connue, mais la situation n'a pas été gérée, à telle enseigne que la population soit protégée. Je vais dire la population tout entière des Bahutu et des Batutsi. Guérin voulait rebondir sur certains propos, notamment d'Aloïse et de Pierre Célestin. Merci beaucoup. Je sens une diversion dans certains propos, parce que lorsque le président Buyoya a pris le pouvoir, je me dis que les tentatives de retour du président Bagaza ont été observées. Et je crois que ce n'était pas vraiment une surprise que Buyoya puisse dire à ses troupes, soyez vigilants et soyez à vos gardes, parce que on peut affronter une crise, parce que s'il avait pris le pouvoir en septembre 87, je crois, si j'ai bonne mémoire, et que c'était le 3 septembre. Le 3 septembre, et que c'était au mois de juillet où il sortait ses troupes au moment de cérémonie de clôture, je me dis que s'il parle de crise, honorable ne devait pas faire une allusion directe avec 88, comme quoi il parlait de 88, parce que je me dis il y avait eu des tentatives de retour de Bagaza. Ça c'est un premier point. Le deuxième, c'est au niveau des blessures. Je suis tout à fait d'accord avec ceux qui disent que l'impunité avait créé des blessures chez Burundais du côté de Hutu et de Tutsi, mais je ne sens pas une spécificité qui toucherait Marangara et Ntega, parce que d'ailleurs cette crise de 72 n'avait pas été beaucoup plus accentuée dans ces communes. Je crois savoir qu'il y a d'autres communes qui avaient été beaucoup plus touchées et qui peut-être allaient réagir les premières. Là, je ne justifie pas ce qui s'était passé, mais quand même, il n'y a pas de spécificité de Marangara pour que ça soit le théâtre ou le lieu de d'éclatement de cette crise. Vous avez demandé qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi il y a eu cette crise? Je me dis qu'il faut peut-être rechercher à ce que vient de nier notre ami du plateau, Aloïse, la jeunesse du pouvoir, parce que peut-être, si jamais il y a eu un mauvais pouvoir au moment de Bagaza et que il y avait un changement à la tête du pays, peut-être qu'il y avait un groupe ou une communauté qui se disait c'est le moment de réagir aujourd'hui, peut-être de profiter que l'administration territoriale n'a pas encore ses assises pour mener des enseignements avec les tracts dont on a parlé tout à l'heure. Peut-être que Paripé Hutu a profité de cette occasion pour distribuer ces tracts et malheureusement... Face à un gouvernement supposé fragile. Qui n'a pas encore son pouvoir assuré, je me dis. Mais c'est vraiment au moment de chercher... Mais c'est pas une excuse, hein. C'est pas une excuse du tout. Mm-hmm. Du côté du gouvernement. Mais du côté des responsabilités, on doit peut-être rechercher de ce mouvement qui a à enseigner à la population des enseignements divisionnistes et qui peut-être ont abouti à cette tuerie. Je vous remercie, je vais peut-être revenir. Il y a Mouchano qui voudrait compléter et on va passer la parole à Honorable Pierre Céleste. Il y a quelque chose qui me semble invraisemblable. Tout à l'heure, notre ami Aloïse invoquait un certain aspect de régionalisme. Cet aspect de régionalisme me semble être incorrect. Si c'était un fait, tous les Tutsis et tous les Hutus de Ntegamarangara se réunissaient contre cette administration. Mais pourquoi on a tué la population locale au lieu de s'attaquer à l'administration? Ça, c'est un alibi. Autre aussi alibi, le commerçant révérien. Qu'on ne passe plus à révérien. Tout prétexte, c'est un prétendu. C'est parce que, comme on disait, que la Première Guerre mondiale a été provoquée par un étudiant serbe. Mais c'est un chiffon. La maison de révérien était assaillie, mais n'a pas été détruite le même jour. Donc, il faut être réaliste, il faut donner des informations fiables. Donc, autre chose, il faut éviter la confusion. Les Hutus et les Tutsis sont morts, c'est vrai, mais le négationnisme doit y avoir des responsabilités. Ceux qui ont attaqué, petit beaucoup de gens, mais de leur côté, dans leur camp, quand ils sont évincés aussi, il meurt en grand nombre. Ce qu'il faut dire, c'est que la justice soit rendue à tout le monde, que la responsabilité soit établie, qui est coupable, qui est innocent. Il ne faut pas que les bourreaux et les victimes soient dans le même paquet. Mosaïque. L'émission, c'est Mosaïque, et dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous revenons sur les massacres de Nega et Marangara, 30 ans après les événements. Au plateau, nous sommes avec Terence Mouchano, représentant de l'AC Génocide de Chirimoso. Nous sommes également avec Honorable Pierre-Célestin Ndikumana, président du groupe parlementaire de la coalition Amizero Yabarundi. Nous sommes avec Guérin Nahimana, natif de la commune Marangara, témoin des événements. Aloïse Batungwanayo, historien et chercheur. Honorable Pierre-Célestin Ndikumana, vous semblez vouloir réagir par rapport à certains propos. Vous n'êtes pas d'accord de la responsabilité du Parti Pérouse? Évidemment, il faut clarifier certaines choses. J'ai parlé de raccourcis. Bon, c'est vraiment humain. Beaucoup de gens aiment passer par des chemins le plus court, mais sans toutefois entrer au fond de la chose pour comprendre. Je voudrais quand même réagir par rapport à certains propos, et surtout par rapport à ce qui est ici brandi comme enseignement du Paripéoto, qui serait à la base de tout ce qui s'est passé, etc., etc. Mais il faut savoir une chose. Le Paripéoto, c'était un parti qui devrait faire connaître son idéologie. Ça, je ne nie pas. Quand vous parlez des enseignements du Paripéoto et que vous mettez le dos sur le Paripéoto de tout ce qui s'est passé, c'est là où je ne vous comprends pas. Enseigner son parti politique est un droit, bien sûr, qui était refusé à l'époque, parce que c'était le monopartisme, c'était l'IPRONA qui gérait le pays, il n'y avait pas d'autres partis. À cette époque, vous ne sentiez pas que ça allait poser des problèmes si votre enseignement reposait sur la définition ou le sens de l'égalité entre donc, tous. Donc tous ceux qui parlaient de ces enseignements-là, ils n'ont même pas vu ces enseignements. Donc ce ne sont que des hypothèses qu'on se donne. Mais la vérité est que Gautou Rémy, dès la création du Paripéoutou, avait dénoncé la mauvaise gouvernance au Burundi. Il avait dénoncé l'exclusion. Et par voie de conséquence, il avait demandé à ce qu'il y ait organisation d'un congrès national pour s'asseoir sur la table et traiter la question burundaise, pour justement que la population qui était victime d'exclusion, une partie de la population, soit réhabilitée dans ses droits. Et ce n'était que ça. Et c'était une lutte légale, raisonnable, morale même, parce que la situation qui prévalait dans l'OTAN, c'était vraiment catastrophique. Et je crois que vous vous rappelez de l'histoire de I et de U devant les noms des Hutus, des Tutsis, pour qu'ils soient orientés dans la terre. Donc il y avait beaucoup de choses. Et le parti a été créé justement pour dénoncer ça. Et les enseignements du Parti Hutu, c'était la démocratie anthropocentrique. Et la démocratie, évidemment, c'est le Parti Hutu qui est à la base de l'avènement de la démocratie au Burundi. Le sens de ce terme, anthropos, c'est-à-dire humain, centrique, donc une démocratie qui est centrée sur la dignité de l'homme. Et je comprendrais mal comment on enseignerait une démocratie qui est centrée sur la dignité humaine et en même temps enseigner la criminalité. C'est pas possible, c'est pas acceptable. Évidemment, ces enseignements n'étaient pas les bienvenus de la part du pouvoir en place qui avait peur des changements éventuels parce que le courant de la démocratie, ça avait déjà commencé en Afrique. Il y avait des rumeurs d'espoir pour que les pays soient quand même démocratisés. Donc, parler de ces enseignements, il ne faut pas vraiment leur coller une connotation négative. Et surtout, la question qui s'est posée ici, pourquoi Ntega et Marangara? Pourquoi spécifiquement Ntega et Marangara? Mais c'est clair. Donc, le chronogramme des faits que je vous ai relaté ici, Mouchano parlait de Révérien qui comparait à l'étudiant serbe. Mais sachez les amis, il y a des événements, il y a des faits qu'on appelle des faits déclencheurs, qui déclenchent quelque chose qui est déjà mijoté, qui est déjà là. Donc je vous ai parlé du breakout, du 6 au 15, et du 10 au 15. Pour Mouchano, personne ne pouvait, il s'est défendu. Je vous ai dit, personne ne pouvait entrer ni sortir de Marangara. Est-ce que c'était un fait vraiment normal? Révérien a tiré à bout portant un citoyen burundais. Et c'était pendant le jour. Pardon, et c'était après. Et c'était après la messe. Pardon, et la population n'a pas supporté ça. La population a réagi. Bon, si vous collez ça au Paripé autour aux enseignements, les enseignements, je vous ai expliqué quel type d'enseignement on donnait. Et c'était du droit du Paripé autour aussi de faire connaître ses idées politiques. Et pourquoi Ntega et Marangara? Je crois que ni Tété, la communauté internationale, ni Tété Gahutu-Rémy qui était en Europe, qui a alerté la communauté internationale, qui a dénoncé en premier ce qui se passait à Ntega et Marangara, probablement que ça pourrait aussi prendre d'autres communes, ça pourrait aussi être répandu partout dans le pays, parce que le gouvernement était là sans rien faire. Et je vous ai dit, si vous vous rappelez, on a même demandé qu'il y ait des enquêtes. Vous n'êtes pas d'accord que le gouvernement, même si il a réagi comme Guérin l'a mentionné, il a agi un peu tard. Donc, le gouvernement n'a jamais arrêté les massacres. C'est grâce non, à... Non, il n'a jamais arrêté les massacres. Mmh. C'est plutôt grâce à la pression internationale et évidemment à cette pression-là. Mais aussi parce que le plan venait d'être déjoué. Sinon, je suis convaincu que ça allait continuer. Quel plan? Je vous ai parlé du chronogramme, parce que quand il a parlé de la fameuse attaque de Bagaza, on vient d'expliquer ça, on vient de donner ça à un sens. Mais cela a été sanctionné par l'envoi des troupes à Marangara et à Vumbi, qui avaient pour mission d'arrêter les gens. Notre patron, son Excellence Honorable Agathon Rwasa, a failli être tué ce temps-là. Et évidemment, laisse-moi terminer. Et ces grandes manœuvres dont on parlait, qui finalement tournaient en arrestation des citoyens burundais, en particulier de l'ethnie Hutu, c'est quel type de manœuvre? Il y avait des listes préétablies. Rwasa Agathon lui-même a été alerté par quelqu'un qui lui a dit, mon cher ami, si tu passes la nuit encore ici, tu risques de périr, tu risques d'être tué parce que les militaires sont là pour ça. Ils avaient une liste. Donc, pour quel type de gouvernement qui envoie des troupes, non pas pour stabiliser, non pas pour garder la paix, comme on le dit, mais plutôt pour perturber la paix. Et quand la population de Marangara a dit, non, pourquoi est-ce que vous prenez les 17 personnes? Vous les amenez où? La réponse, on pouvait s'attendre à une réponse raisonnable. tel a fait tel forfait, c'est peut-être des questions pour, de justice, c'est peut-être des questions d'enquête. Mais ça n'a pas été ça, la réponse. La réponse a été que les militaires ont tiré sur la population. Et ils ont tué deux personnes. C'était le 6. Et à partir du 6, personne ne pouvait ni entrer, ni sortir de Marangara. Jusqu'au 15, quand il y a eu redéploiement des troupes venues de Gitega qui ont attaqué. Et après, bien sûr, les attaques de militaires ont été généralisées sur les deux provinces. Il y a même intervention des hélicoptères militaires et tout ça. Je crois quand même qu'il ne faut pas se voiler la face. Il faut vraiment affronter la vérité et pouvoir quand même ne pas échapper à la responsabilité, mais plutôt assumer et dire « du plus jamais ça ». Parce que l'histoire est là, non pas pour être là comme ça, mais c'est pour être analysé et y tirer des leçons. Tirer quelque chose de positif pour construire l'avenir. Justement par, par rapport à ce qui est négatif, honorable, dire par plus jamais ça. Justement par rapport à cet aspect, on peut ne pas être d'accord sur les faits du passé, mais l'avenir nous appartient tous. Ah oui, bien évidemment. Par rapport à ce qui s'est passé. Non, Permettez une seconde. Vraiment, le 15, les militaires n'étaient pas à Marangara. Ils n'étaient pas à Marangara. Ils sont arrivés. Ils sont venus. Dans la nuit du 15 au 16. Pas du tout. Jusqu'au 16, ils n'étaient pas là. Plutôt parler du 17-18. Et donc, si vous prétendez que ces militaires étaient déjà là le 15, comment ces troupes ont été tuées alors? Quand est-ce qu'ils ont été tués? Quand, monsieur honorable, dites-moi, quand ces troupes ont été tuées? Mais vous pensez que quand l'avion lance une argue, une bombe, vous pensez que ça va choisir tel et tout. Merci. Tel et tout. Non, c'est tout le monde qui meurt. Quand ils sont arrivés à Tangara, ils se sont posé la question. Et la population était là paisible. Quelqu'un disait, mais est-ce que c'est ici? Et l'autre lui dit non, on nous a ordonné de commencer par Marangara. Et ils ont continué. C'était dans la nuit du 15. Ils étaient déjà, dans la nuit du 15 au 16, ils étaient déjà là. L'attaque a été généralisée sur les deux communes. Face à cette divergence sur la version des faits, c'est le travail des chercheurs qui peuvent, dans ces circonstances, nous aider à voir la vraie version par rapport aux faits historiques. Justement, honorable Pierre Célestin, on peut ne pas être d'accord par rapport aux faits historiques, mais l'avenir nous appartient. Qu'est-ce que nous pourrons garder de ce qui s'est passé à Negal et Marangara? Première chose, si vous voulez parler des leçons tirées, cette impunité dont parlait Mouchano, je le soutiens entièrement. Nous avons au Burundi une situation qui s'empile du jour au jour à cause de l'impunité. Si on avait arrêté des mesures, si on avait poursuivi les bourreaux et essayé de faire quelques réparations chez les victimes depuis le début des crises au Burundi, depuis les années 1965, avec des tueries de Kamenge, des députés qui ont été tués, avec les massacres, les tueries de Busangana, etc. Vous revenez sur l'aspect de la mémoire blessée évoquée par le chercheur. Bien sûr, évidemment, quand nous parlons de l'impunité, c'est encore plus grave. Même aujourd'hui, si on dit, bon, tel il a fait ceci, bon, comme il est de tel parti politique, lui, il n'y a pas de problème. Sachez que demain, ça va se retourner contre soi-même et contre le peuple burundais. L'impunité est quelque chose qui est à la source de tout le mal qu'a connu le Burundi. Ça, c'est un fait. Il y a aussi l'éducation, évidemment, Aloïse a parlé aussi de ça. Ça, c'est important aussi. Bien, alors, quoi faire? Je crois qu'il faut pousser loin. Il faut voir, même sur le plateau, vous constatez qu'il y a des divergences par rapport à la considération des faits. Quand on dit que c'est le Paris-Pauto, etc., il y a eu des attaques, etc., il y a des échappatoires. Donc, même si le plateau, vous voyez quand même qu'il y a divergence d'idées, divergence d'opinions, qu'est-ce qu'il faut alors? Il faut rechercher la vérité de ce qui s'est passé réellement. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à Nega et Marangara? Mais il s'est passé quelque chose, et quelque chose de négatif, il faut chercher ça. Donc il faut que la commission qui est chargée de chercher la vérité pour des fins de réconciliation fasse son travail. Parce que il n'y a que 30 ans, on peut même avoir des images de ce qui s'est passé. il suffit de coopérer avec les autres chercheurs internationaux. Ceux qui ont des satellites, certainement que c'est conservé quelque part. On peut même avoir des images de ces hélicoptères qui ont pu intervenir. On peut avoir des images de tout ce qui s'est passé avant, de la façon dont les militaires ont conduit leurs attaques là-bas. Donc, on peut avoir tout. Donc, nous avons besoin de la vérité. Et pourquoi en faire? Pour y tirer des leçons. Et pour dire non à ce qui s'est passé. Parce que ça n'a pas stabilisé le pays. Au contraire, ça a permis des blessures des citoyens burundais, des massacres, qui, avec des conséquences, bien sûr, que nous sommes en train même d'expérimenter aujourd'hui. Deuxièmement, il faut des programmes de réconciliation, au sens vrai du terme. Mais ce n'est pas du jour au lendemain que les gens se réconcilient. Ce sont des étapes. Le pardon, c'est pas quelque chose de spontané, c'est pas quelque chose d'automatique. Il faut d'abord connaître la vérité, et cheminer, et donner un sens à ce qui s'est passé, et comprendre ce qui s'est passé, évidemment avec tous ces mécanismes de justice aussi. Et après, les gens peuvent, après avoir guéri des blessures du passé, peuvent vraiment s'ouvrir à la réconciliation. Donc il faut des programmes de réconciliation, il faut des programmes d'éducation à la paix, de vrais programmes, et non pas des choses, des discours comme ça, et puis on s'en va, mais de vrais programmes de réconciliation et de détraumatisation de la population. Merci, voilà. Honorable Pierre-Célestin Dikoumane. Je me retourne du côté de Guérin. Naïma, en tant que natif de la commune Marangara, témoin de massacres dans votre commune, mais également à Nega, qu'est-ce que les Burundais devraient garder de cette tragédie? Merci, mais ce qu'on va garder, je me dis qu'on doit garder de ce qui est positif, parce que souvent, malheureusement, ce qu'on observe, c'est négatif, parce qu'il y a eu des tueries. Vous dites ce qui s'est passé à Marangara, les gens sont morts, et l'établissement des responsabilités manque toujours. Jusqu'à aujourd'hui, tout à l'heure, Honorable le disait, il y a des divergences. Parce que les responsabilités ne sont pas établies, et lorsque nous parlons d'une commission vérité et réconciliation qui ne parte pas de bonnes bases, de bases rassurantes, et qui peut-être aujourd'hui ne rassure pas toutes les parties, je me dis déjà que on n'aura pas ce résultat de réconciliation qu'on espère. De deux, il y a des aspects aujourd'hui lorsqu'il parle d'éducation civique ou de réconciliation. Il y a des aspects qui demandent des financements peut-être, où on doit rechercher des financements, et d'autres qui, heureusement, n'ont pas besoin des aspects financiers, mais qui ne sont pas réalisés. Lorsque il parle d'amour de la communauté, les gens aujourd'hui n'acceptent pas ce qui s'est passé, et il y a des banderoles, je crois que le chercheur pourra nous en dire quelque chose, il y a des banderoles aujourd'hui qui, malheureusement, sont d'un seul côté. Lorsqu'on parle des tueries, chaque fois on fait d'un seul côté et l'autre est toujours bouche bée. Et malheureusement, cette blessure dont il parlait tout à l'heure ne sera pas soignée, ne sera pas pensée, parce que une blessure, c'est une blessure chez tout le monde, que ce soit chez le Hutu et chez le Tutsi. Et on devrait partir aujourd'hui même de ces aspects de réconciliation, si on accepte qu'une communauté dise on a été massacré telle année, qu'on accepte que tel autre aussi puisse s'exprimer. Et donc malheureusement aujourd'hui on n'en parle pas, on fait comme si l'autre n'a pas droit de pleurer les siens. Et ça, c'est vraiment un enseignement qu'on devrait tirer. Honorable disait c'est seulement 30 ans. Mais quelqu'un qui est né en 88 aujourd'hui, il a 30 ans, et donc, si il n'a pas son message de réconciliation, il va peut-être programmer une vengeance. Et si on va tomber dans ce cycle de vengeance. Je parlais de 30 ans pour dire que la vérité peut être connue, parce que vraiment, c'est pas vraiment longtemps. Je suis d'accord. Même des centaines d'années, on peut faire des recherches et connaître la vérité. Vraiment, je suis d'accord. La vérité est très facile à appréhender sur l'histoire de Nega et Marangara, parce que les gens sont toujours là, la communauté, la population est toujours là. Je suis d'accord. Oui. Mais là, ce que je disais, c'est au niveau de ces nouvelles générations qui n'ont pas un message rassurant comme vous le souhaiteriez, comme nous le souhaiterions. Je vous remercie. Terence Mouchano, avant de passer la parole au chercheur Aloïse Batungwanaï. C'est la même question. Qu'est-ce que les Burundais doivent garder des massacres de Nega et Marangara comme une leçon? La leçon, c'est que le crime de sang est un crime ignoble à éviter. Ce qu'il faut, c'est ce qu'on dit de la leçon, c'est ne plus à imiter, mais sous une seule condition. Il faut que le tribunal pénal pour le Burundi soit mis sur pied pour châtier ces crimes. Et si on dit que la vérité doit être issue de la justice, il faut, si on parle de la démocratie, il faut éviter de la démocratie sanguinaire. Si on parle du pardon, il faut éviter du pardon collectif, parce que tous les Hutus ne sont pas criminels, parce que tous les Tutsis ne sont pas criminels. Que les responsabilités soient établies, que les réparations soient mises à qui de droit, et donc que la dignité humaine, que les valeurs humaines soient consacrées. Je vous remercie. Aloïse Batungwanayo, une crise des massacres de Nega et Marangara dont les victimes en termes de nombre ne sont pas connues, mais quand même des événements qui ont endeuillé beaucoup de familles, autant chez les Hutus que chez les Tutsis. Quelles leçons à tirer? D'abord, la première leçon, c'est une leçon positive, c'est que j'ai été là en 2015 et dernièrement j'ai été là. C'est qu'il y a eu des gens qui ont dit non aux violences. J'ai eu à interviewer quelqu'un qui a osé témoigner, qui a osé cacher Venef Batutsi, un Mouhutu qui était chef de secteur, qui a caché, qui a protégé Venef Batutsi. Au péril de sa vie peut-être? Au péril de sa vie, parce qu'à un certain moment, il a été contraint de fuir au Rwanda. J'ai aussi eu une interview d'un Mututsi qui, par après, a protégé les Bahutus au moment où les militaires voulaient les massacrer. Donc ça, c'est la première leçon à tirer, que au moment où d'autres s'entretuaient, il y a d'autres qui ont protégé ce qui était en danger. La deuxième leçon, c'est une mauvaise administration. J'ai tiré de ça que s'il y a eu des massacres à Nega Marangara, c'est parce que l'administration ne s'y est pas pris comme un bon père de famille qui doit protéger tout le monde, toute la population. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire pour moi? Certaines choses ont été déjà dites. C'est d'abord... On parle des notions de chiffres qui des fois révèlent le caractère un peu grave d'une crise à Nega na Marangara. Qu'est-ce qui s'est passé réellement en termes de chiffres? Normalement, c'est pas le chiffre qui montre la gravité d'une chose. Une personne peut être tuée et on peut dire que c'est un acte de génocide. C'est plutôt le caractère, la planification. Mais il y a eu vraiment des milliers de gens qui ont été massacrés. Je ne voudrais pas avancer des chiffres parce que les chiffres qui ont été avancés, pour moi, sont des chiffres fallacieux. Okay. On avance de 5 000, on avance 50 000, on avance 25 000, mais moi, je n'y crois pas parce que personne n'a jamais fait une enquête scientifique, une enquête objective pour connaître le nombre de victimes, malheureusement, alors que c'est possible. Vous embrayez sur une leçon à tirer. La leçon à tirer, c'est d'abord accepter qu'il y ait des crimes. Les Burundais, aujourd'hui, on se lance les responsabilités. C'est vraiment malheureux. Et des crimes graves. Des crimes graves, il faut vraiment le dire. Les qualifier, c'est des horrible. Crimes graves. Alors, reconnaissons la date du 15, il y a eu des massacres abominables, des Bahutu. Des massacres abominables, des Batutsi. Reconnaissons, et comme les Burundais ont dit qu'à 90% ou même plus sont des chrétiens, qu'ils puissent aller à la messe pour se souvenir de ces gens. Ce serait une façon de reconnaître la dignité de ces gens, qu'ils étaient des Abanou, qu'ils avaient Ubuntu, qu'ils avaient la dignité, c'est redorer leurs droits. C'est la première chose. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau des prêtres, que ce soit au niveau des pasteurs, j'ai jamais entendu des gens qui disent « Aujourd'hui, nous avons perdu nos fidèles, nous allons organiser une messe à requiem envers ces gens-là. » Je n'ai jamais entendu ça. Permettez de vous dire que même j'ai demandé une messe le 15 août de cette année et qu'à la cathédrale, ils ont refusé. d'annoncer qu'ils ont été emportés par les événements de Nega et Malangara. Ils disent que ce sont des morts, et donc on va juste dire à la messe que vous avez demandé une messe pour des personnes. Vous abondez dans le même sens. Dans le même sens, oui, parce que toujours, s'il faut tirer des leçons, il faut qu'on aille dans ce sens, parce qu'aujourd'hui, on n'accepte pas ses responsabilités, et même, on ne participe pas, parce que ça serait une façon de participer à la réconciliation. Voilà. Et à la cause des crimes. La deuxième leçon, c'est si on reconnaît qu'il y a eu un crime, c'est de savoir pourquoi ce crime a eu lieu, pour chercher la vérité dont parlait honorable Célestin. La troisième leçon, je demanderai cette fois-ci ma responsabilité en tant que parent aujourd'hui. Il faut vraiment faire en toute sorte que on dispense, on administre une éducation qui n'est pas une éducation qui mène à la violence. Une éducation de haine, il faut vraiment bannir cette éducation. Parce que je sais très bien dans nos familles, nous éduquons nos enfants de façon à les préparer à se venger d'ici quelques années. Ça, il faut vraiment bannir. Ça, c'est au niveau des familles. Et puis, il faut également enseigner dès l'éducation familiale, même à l'école, enseigner la lutte contre l'impunité. Ce n'est pas parce que je suis aujourd'hui juge que je dois apprendre à lutter contre l'impunité. On doit enseigner la lutte contre l'impunité depuis le bas âge, à l'éducation, depuis l'éducation informelle, à l'éducation formelle, pour qu'on puisse grandir avec un esprit d'un état de droit. L'autre chose, c'est comment soigner les cœurs qui sont meurtris. Aujourd'hui, les cœurs des Burundais, je n'ai pas le chiffre, mais je sais que beaucoup de Burundais sont vraiment traumatisés, ont une blessure, et la blessure est toujours béante. Il faut faire un programme national pour faire une guérison collective, pas individuelle. Je pense que là, je cherche du travail en établissant, pour l'honorable Célestin. Mais également en établissant une responsabilité individuelle, selon Mouchane. La responsabilité individuelle viendra dans ce que j'ai dit. On cherche pourquoi cela a été fait. On trouve la responsabilité individuelle. La dernière leçon, je dirais, les enfants aussi, les adolescents, les gens qui ont 30 ans, qui avaient 0 ans à l'époque, il faut qu'ils commencent à désobéir à leurs parents ou à leurs aînés qui leur donnent une éducation de violence. Je vous remercie. C'est la fin de l'émission au Mosaïque. Et dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous débattions autour des événements de Nega et Malangara, 30 ans après cette tragédie. Nous remercions nos quatre invités. Terence Mouchano, représentant de l'AC Génocide Chilimoso, merci d'avoir répondu à notre invitation dans Mosaïque d'aujourd'hui. Merci, et je rappelle à tout Burundais que le droit à la vie est sacré. Nous remercions également honorable Pierre Célestin Ndikumana, président du groupe parlementaire de la coalition Ami Zéro Yabarundi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, et l'appel à tous les Burundais, c'est de s'asperger, disons même de s'imbiber d'un climat de tolérance, de bannir l'exclusion sous toutes ses formes, et surtout l'impunité est à éviter pour un bon avenir de notre peuple. Je dis également merci à Guérin Nahimana, natif de la commune de Malangara, témoin de massacre dans sa commune. Merci d'avoir répondu à notre invitation dans Mosaïque. Témoin et victime. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et je voudrais que vraiment aujourd'hui, vous, les médias, et toute la communauté, et même le pouvoir, et j'interpelle honorable, que ces programmes de réconciliation, d'éducation civique véritable, comme il avait dit, soient mis en place pour que nos générations soient vraiment, ne soient pas victimes de ces enseignements divisionnistes. Je vous remercie. Ce serait très intéressant parce que, à informer, alors ce qui parlait des blessures, il y a une petite recherche qui stipule que sur 5 personnes, au moins 2 personnes sont traumatisées. Mmh. Merci aux chercheurs historiens, Aloïse Batungwanayo, merci d'avoir donné des éclairages sur les événements de Nega et Marangara. Merci beaucoup et j'interpelle tous les Burundais à interroger le passé et l'histoire pour gérer le présent. À la réalisation de l'émission Mosaïque, c'était Francine Ndokugayo. François Akimana assurait la technique. Au micro, vous étiez avec moi, Pacifique Chubahiro. À vous tous, à l'écoute de la radio Isanganiro, nous vous souhaitons de continuer à suivre nos programmes. Mosaïque.